Une dinde pour Noël. Ah, on va au live alors. J'ai mis sous le sapin ma lettre au Père Noël. J'ai même fait un dessin pour bien qu'il se rappelle. Et j'ai écrit deux élus. Que j'ai été bien sale, que j'ai pas fait l'imbécile. Non, pas l'imbécile. Que les magots moulages, c'est bon pour les débiles. La cloche de Noël, la cloche de Noël. Le plus beau des cadeaux qu'il pourrait m'apporter. Ah oh, apporte-moi, va. Sur son joli traîneau par les rênes tirées. Serait une volaille, une jeune rigolote. Oui, je veux faire une paille, tu m'as dit senti. Donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez-moi ma dinde de Noël. Sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez là, la cloche de Noël, la cloche de Noël. Donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez-moi ma dinde de Noël. Sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez, sonnez là. Marie-Dolmini. Oh Noël, il y a du monde au live. Alors c'est pas allé, moi je suis pas allé. Comment, t'es pas au live ce soir? Ma cloche de Noël, ma dinde de Noël. Ouais, regarde, c'est là. Si elle avait truffé la dinde. Ma dinde. Non, elle est farcie, c'est vrai. C'est la farce de Marie. Quelle farce.